je marche à l'impulsion, mon cerveau en fusion. J'arrive par intrusion dans leur game, une effusion de noirceur, de tristesse, de froideur. Je me couche à pas d'heure et le monde tourne. Y'a comme un gouffre entre les riches et les pauvres, entre moi, ma vie, leur mode et ceux qui dictent les codes. Y'a comme un gouffre trop profond qui nous sépare, tu sois à fond ou à l'écart. Leur monde tourne. Que je perde mon temps ou pas, que je serre les dents ou pas, que je verse mon sang ou pas. Le monde tourne. Le monde tourne autour de moi, trop de fric et de choune. Ils nous bourrent le crâne, c'est le genou. Les Illuminati et leur concept. Les people qui mènent une vie de déprime, de suicide et de picole. J'ai qu'un petit rôle, je le tiendrai jusqu'au bout, bande de guignols. Je rigole pas, ça me désole, je suis effaré. Il faut toutes sortes de tarés pour faire un monde égaré où des hommes s'habillent en jupe et c'est la femme qui culbute, bande de fils de pute. Comment ne pas s'en faire pour la descendance, un enfer. Et le monde tourne, le monde tourne. Je les vois, ils s'enfourrent plein les poches. Je m'entoure de mes proches, avec leurs discours je me torche. J'irai voter en posant mes burnes dans les urnes. Peu importe leur slogan, tous veulent la thune, oui la thune. C'est pas très clean, on n'a pas un et dans l'équipe c'est marqué string. Et le monde tourne, y'a pas de place pour tout le monde, pour les autres une impasse. Et le monde tourne, ce qu'on veut a très peu d'importance à leurs yeux. Et le monde tourne, je me battrai toujours pour ma cause. Donner mon cul c'est pas écrit dans la clause. Trop de rappeurs se prostituent, prennent leur studio pour une maison close. Et le monde tourne, le monde part en sucette. À cette allure là, des pompes finiront dans les poussettes. Et le monde tourne, l'être humain ne pense qu'à son portefeuille. Et de plus en plus de flingues portent le deuil. Et le monde tourne, nos vies s'effritent comme une barrette dans un deux feuilles. Dans un système sans loi, on vaut mieux avoir une paire de couilles qu'avoir un trèfle à quatre feuilles. Toujours cette misère qui nous rend ivres. De voir une famille migrer vivre dans un palais sans blattes. C'est aussi rare qu'entendre un rappeur blanc dans les écouteurs d'un plaque. Ici ça pue l'arnaque, n'essaie pas de me faire les poches. Tu trouveras qu'une lame de rasoir planquée dans mon anorak. Je veux pas finir comme ce bâtard qui vole des bijoux même dans les hôpitaux. Ce vieux père alcoolique qui claque tout sa paye au bistrot. Un fils de Noël, ma mère. Et ma vie est dure, je crache des vérités aussi pures que le vagin de ma mère. Frère, en été on le regarde froid, en hiver le sang chaud. Leur servir un encas, c'est comme refiler une jambe de bois et manchot. Nos cœurs sont noués comme une corde dans une cellule. Déjà que nos vies sont stériles, ils veulent en plus nous faire avaler leurs pilules. C'est pas très clean, on n'a pas un et dans l'équipe c'est marqué string. Et le monde tourne, y'a pas de place pour tout le monde, pour les autres une impasse. Et le monde tourne, ce qu'on veut très peu d'importance à leurs yeux. Et le monde tourne, c'est pas très clean. On n'a pas un et dans l'équipe c'est marqué string. Et le monde tourne, y'a pas de place pour tout le monde, pour les autres une impasse. Et le monde tourne, ce qu'on veut a très peu d'importance à leurs yeux. Et le monde tourne.